Chapitre 9e. Pendant quelques jours, la vie de Madame d'Argonne fut un enchantement de tous les instants. Comme elle l'avait prévu, en voyant de quelle façon il la regardait au bal des Bouillons, son mari s'était mis à l'aimer, plus même qu'au début de leur mariage, et avec des emportements qu'elle ne lui avait jamais connus. Monsieur de Morière était venu deux fois la voir sans la trouver. Elle, qui autrefois passait la plus grande partie de son temps chez elle, était à présent toujours errant de droite et de gauche, prise par des essayages, des visites, des courses dans les magasins. Et pour la première fois de sa vie, dans ce tourbillon au milieu duquel elle n'avait plus le temps ni de penser, ni de lire, ni même de se promener, elle s'ennuyait à pleurer. Il lui prenait des envies folles de solitude, de simplicité, de bonheur tranquille et naïf. Alors, entre deux courses pressées, toutes ces courses maintenant étaient pressées, elle allait chez Madame de Givray, toujours enfoncée dans la vieille bergère de soie fanée entre des amoncellements de bouquins. Chaque soir, les d'Argonne sortaient, et chaque soir, ils rencontraient Monsieur de Morière. Il promenait Christiane, s'occupait d'elle, et régulièrement lui demandait « Quand vous trouve-t-on ? » Régulièrement aussi, elle lui répondait « Quand j'y suis, je reçois toujours. » Et c'était vrai, seulement elle n'y était jamais plus. Jacques, à mesure que Morière s'occupait davantage de Christiane, trouvait Christiane plus séduisante. Ce matin-là, il venait de déjeuner. Madame d'Argonne, qui lisait le Figaro, regarda tout à coup l'heure et se leva brusquement. Le comte demanda « Qu'est-ce qui te prend ? » ?»« Je vais mettre mon chapeau. » « À cette heure-ci ? » ?»« Oui, j'ai donné rendez-vous à Madame de Givray au salon des Champs-Élysées. » « Comment ? Encore ? » ?»« Non, l'autre jour, c'était au Champ de Mars. » Il murmura, véritablement stupéfait. « Je ne sais pas quel plaisir vous pouvez trouver à regarder comme ça des tableaux pendant 2 heures. » Puis il demanda, l'air préoccupé, « À quelle heure lui as-tu donné rendez-vous ?»« À 2 heures moins le quart. » »« C'est très ennuyeux. » »« Pourquoi ça ?»« Parce que moi j'avais dit à Morière, qui voulait savoir à quelle heure il avait chance de te trouver enfin, qu'il te trouverait jusqu'à 2 heures. » »« Il ne fallait pas lui dire ça. Je sors très souvent avant 2 heures. » Il questionna, surpris, « Depuis quand ?» Elle répondit avec son joli sourire sérieux, « Depuis que je suis une femme chic. » La regardant de tous ses yeux ravis, il dit d'un ton convaincu, « Ah, le fait est que tu l'es, chic, et ce qu'on t'admire, et ce que j'entends de choses quand je suis dans la foule, aux courses, ou dans le monde, ou au spectacle, à regarder la salle. Moi aussi, j'en entends des choses. Si tu savais ce que ça me fait plaisir. » Elle répondit, l'air très las, « Tant mieux que ça fasse plaisir à quelqu'un. » Il ne remarqua pas cette lassitude. Il pensait « Morière va venir ici se casser le nez. » Et cette pensée le remplissait d'amertume. Il demanda « Tu ne pourrais pas lui envoyer un mot, dit ?»« À Monsieur de Morière ?»« Non, à Madame de Givray. C'est impossible. Elle serait partie de chez elle quand le mot arriverait. » »« Ah, tu n'as pas idée de ce que ça me contrarie de voir qu'André va se presser pour arriver ici et n'y trouver personne. » Il est un peu sur l'œil, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est en quelque sorte Morière qui, par son admiration, par la façon, je dirais presque recueillie, dont il s'occupe de toi, a établi ta réputation de femme élégante et chic, oui. C'est en somme à lui que tu dois ton succès. Christiane pensait que c'était bien un peu à elle-même et beaucoup à Montaut qu'elle devait ce succès, mais elle ne protesta pas. M. d'Argonne cherchait une combinaison pour ne pas mécontenter le marquis. À la fin, il s'écria. « Une bonne idée. Je vais aller rejoindre Madame de Givray aux Champs-Élysées. Toi, tu attendras Morière ici et vous viendrez nous retrouver. » Elle répondit, sans enthousiasme. « C'est évidemment une idée, oui, mais il vaut bien mieux que j'aille, moi, au rendez-vous que j'ai donné à Madame de Givray, et que tu attendes, M. de Morière. » « Non, non, c'est plus poli pour André de faire le contraire. » « Oui. » Mais c'est moins poli pour Madame de Givray. Elle ne sera pas bien malheureuse parce qu'elle attendra un instant avec moi. Elle regardera les tableaux puisqu'elle aime ça. Elle ne sait jamais de quoi te parler. C'est vrai. Nous n'avons pas du tout les mêmes goûts, ni les mêmes façons de voir en rien. Moi non plus, je ne sais jamais de quoi lui parler. Christiane savait que son amie ne gobait pas, ainsi qu'elle disait volontiers, Monsieur d'Argonne. Et elle pensait avec tristesse que, sans l'amour qu'elle avait pour lui, elle non plus ne saurait pas de quoi lui parler. D'ailleurs, elle ne lui parlait guère, sauf à l'heure du déjeuner. Ils étaient rarement seuls, et leur déjeuner durait un quart d'heure. Jacques s'approcha et l'embrassant. « C'est dit, n'est-ce pas ? Je prends la voiture et je te la renvoie. Ah, au fait, où dois-tu la retrouver, la petite de Givray ? Dans le salon carré, devant le tableau de Rochegrosse. Rochegrosse ? Connais pas. Qu'est-ce qu'il représente, son tableau ? Un chevalier en armure qui s'avance au soleil, dans un enlacement de fleurs qui sont des femmes. Bigre ! Ça ne doit pas être lugubre à voir, mais... Comment sais-tu ça ? Tu l'as donc vu ? Naturellement. Tu disais que tu n'étais pas encore allé aux Champs-Élysées. Pas encore avec Madame de Givray, mais toute seule, j'y suis allé. Avec qui ? Avec personne, toute seule, je te dis. Comment ? Tu es allée au salon toute seule, mais ça ne se fait pas, ma chère enfant. Pourquoi ? Parce qu'on y va en bande, et dans tous les cas, jamais seule. Ah ? Qu'est-ce qui vous accompagne aujourd'hui ? Mais vous n'y allez pas toutes les deux seules aujourd'hui, je suppose. Mais si, parfaitement. Eh bien, ma chère petite, c'est inconvenant, tout à fait inconvenant. Et comme les beaux yeux de sa femme se posaient sur lui avec étonnement, il affirma, en pesant sur chaque mot, « Ça ne se fait pas. » Christiane dit, « L'autre jour, au Champ de Mars, Monsieur de Givray est venu nous rejoindre, mais aujourd'hui je crois qu'il est occupé. » Le comte reprit, « Nous disons donc sous le tableau de Rochegrosse. Et ça s'appelle ?»« Le chevalier aux fleurs. » Mais puisque je t'ai expliqué, ça ne fait rien. C'est pour pouvoir demander au gardien. Tous les tableaux se ressemblent, et si je ne trouvais pas... Comment veux-tu ne pas trouver ? Je t'ai dit un chevalier qui s'avance entre des femmes qui sont des fleurs. C'est un grand tableau, en face de l'escalier, au milieu des choses sales et fumeuses qui attristent ce salon. Ça fait comme un paquet de soleil qui serait jeté. Alors, c'est bien cette affaire-là ? Oui. C'est comme un diable, mais c'est du beau soleil, qui donne chaud. Bon, j'y vais. Il s'arrêta brusquement. Mais, c'est mercredi aujourd'hui. Vous allez au salon un mercredi ? Étonné de son air stupéfait, elle demanda. C'est mal aussi d'aller au salon le mercredi ? Dame, c'est le vendredi qui est le jour. D'un air résigné, il déclara. Mais Madame de Givray ne fait jamais rien comme tout le monde. Il faut en prendre son parti. Il sortait. Ce fut elle, cette fois, qui le rappela. « Dis donc, Jacques, tu ne crains pas qu'on trouve singulier de me voir aller au salon comme ça, avec Monsieur de Morière ?»« Mais non ! Dieu que tu as donc des idées de l'autre monde ! D'ailleurs, qui veux-tu qui trouve ça ? Personne ne vous verra, un mercredi. Il n'y aura que vous !» Christiane s'allongea admis sur le divan du petit salon, regardant la pendule et se disant « Si dans un quart d'heure il n'est pas là, je pars. » Cette promenade au salon, qui la réjouissait au milieu de l'ennui de sa vie nouvelle, comme un retour aux choses regrettées, lui paraissait maintenant une corvée. Au lieu des réflexions saugrenues et drôles de la petite de Givray, il allait falloir subir les phrases toutes faites, les clichés, les stupidités banales qu'elle prévoyait. Et elle trouvait aussi que, depuis quelques jours, M. de Morière était un peu trop sur son chemin. Il lui semblait que ce n'était plus seulement les rencontres fortuites de gens du monde qui vivent de la même vie dans le même milieu, mais bien des rencontres cherchées. Il l'attendait à la porte de Montaut ou du fleuriste aux heures où elle avait coutume d'y aller presque régulièrement. Il devenait avec elle de moins en moins libre, de moins en moins bon enfant, et paraissait gêné, inquiet même. Il avait l'air de quelqu'un qui veut dire quelque chose et qui n'ose pas, et c'était ce quelque chose que Christiane appréhendait. Et puis, elle voyait filer avec une vitesse qui l'étonnait les 26 000 francs de ses diamants. Elle avait payé à Montaut une première note de 7 000, puis une autre de 11 000 francs. Et elle lui devait encore beaucoup. Ses chapeaux lui coûtaient, chez Clotilde Vieuxtemps, des prix fous. Elle s'inquiétait, ne sachant où trouver de l'argent. Des quelques bijoux qu'elle pourrait vendre encore, elle n'aurait pas une grosse somme. Quand il avait été question, du temps du père et de la mère de Jacques, de son mariage avec Christiane, une grand-tante, Madame de Bracieux, avait offert pour aplanir les difficultés d'assurer à sa nièce par contrat de mariage toute sa fortune, 600 ou 700 000 francs environ. Mais les Dargonne, ne trouvant pas que ce fût assez, le mariage ne s'était pas fait. Lorsque Jacques, à la mort de ses parents, avait épousé Christiane, la vieille femme avait fait ce qu'elle annonçait 2 ans plus tôt. Madame Dargonne devait donc avoir un jour une somme assez importante. Elle aurait pu emprunter sur cette somme, et l'idée lui en était venue. Mais son notaire lui avait expliqué qu'elle ne pouvait rien sans la signature de son mari. Cette signature, elle ne voulait à aucun prix la demander. L'idée d'avouer à son mari qu'elle n'était devenue jolie qu'à coup d'argent lui faisait peur. Elle craignait que Jacques, qui savait si peu le prix des choses, ne se figurât qu'il lui fallait plus qu'aux autres pour se parer, et à présent qu'elle était ce qu'il voulait qu'elle fût, une femme à la mode, et même la femme à la mode, elle entendait ne pas redescendre du piédestal où, malgré elle, on l'avait placée. Elle avait fini par prendre goût à l'admiration de la foule, aux hommages excessifs des individus. Elle éprouvait à être la plus jolie, la plus élégante des femmes de son monde, un réel plaisir. Elle cultivait sa beauté comme une fleur précieuse et rare dont elle avait jusqu'ici méconnu la valeur. Tandis qu'elle rêvait, M. de Morières, que Jacques avait donné l'ordre de recevoir, entra. Elle se leva brusquement, d'un de ces mouvements de fauve qu'il n'aimait pas en elle autrefois. Un peu pâle, les yeux luisants, il s'assit sans rien dire. Ce fut elle qui, embarrassée de ce silence, parla très vite, avec trop de mots, affectant une aisance qu'elle n'avait point. « Ne vous asseyez pas, ce n'est pas la peine. Nous sortons. Oui, ça vous étonne? Nous allons au salon, tous les deux, si ça vous va. » Et comme il la contemplait, ravie, elle ajouta « Retrouvez Madame de Givray et mon mari qui nous attendent devant le chevalier aux fleurs. » Il dit, le visage rembruni tout à coup. « Pourquoi ne voulez-vous pas me permettre de rester ici, où l'on est si bien ?» Il parlait d'une voix très basse, et il avait des yeux qu'elle ne lui connaissait pas. Elle le regarda à peine, lui expliquant avec beaucoup de paroles ce qui était convenu. On les attendait là-bas. Il fallait partir. Il demanda. « Alors, vous m'emmenez ?»« Oui. » Elle avait fait apporter son chapeau et elle le mettait, se regardant à peine dans la glace, enfonçant tout en causant la longue épingle faite d'une pierre de lune qui le fixait dans ses cheveux. Morières la trouvait bien jolie, les bras levés, cambrée dans la petite robe de piqué blanc qui collait sur elle, serrée à la taille par une très haute ceinture de moire blanche à longs pans. Lorsqu'elle tendit devant son visage la dentelle blanche qu'elle nouait sur son chapeau, alors seulement il se décida à parler. « Vous mettez une voilette ?»« Oui, je ne sais pas sortir sans voile. Il me semble, quand je n'en ai pas, que je ne suis pas habillé. Même à cheval, ou c'est si laid, je suis obligé d'en mettre un. » Maintenant, elle était prête et souriait en mettant ses gants debout au milieu du salon. Il dit, se levant avec effort, « Comme ça, il faut partir. Avouez que pour une fois que je vous trouve chez vous, je n'ai vraiment pas de chance. » Elle sortait sans répondre. Il s'écria tout à coup, « Mais ce n'est pas vendredi aujourd'hui. » « Non, » dit Christiane surprise. « Pourquoi ?»« Mais parce que pour le salon, c'est le vendredi qu'on y va. » Madame d'Argonne ne put s'empêcher de rire. « Lui aussi, » pensa-t-elle, « ce qu'ils se ressemblent tous les deux. » Elle répondit un peu agacée. « On y va le vendredi, si on veut, mais on peut y aller tous les jours. » Morières reprit. « C'est bien une idée de Rosette, ça. Ne jamais s'occuper de ce qui se fait ou ne se fait pas. Filez droit devant elle, en suivant le caprice du moment. » Christiane demanda, un peu moqueuse. « Alors, ça a une si énorme importance d'aller au salon tel jour plutôt que tel autre ?» Il la regarda, l'air étonné qu'il fallut lui expliquer ces choses. « Ça n'a pas une énorme importance si on veut, et pourtant ça en a une. Ce sont des petits riens qui forment un grand tout, ce sont des nuances qu'il faut saisir, et Rosette ne les saisit pas. » Elle l'écoutait parler et songeait. « Si je fermais les yeux, je croirais que c'est Jacques qui est encore là. Quand ils disent ces mêmes choses, ils ont jusqu'à la même voix. » Monsieur de Morières demanda encore. « Quel avantage trouvez-vous à aller au salon aujourd'hui plutôt que vendredi? Vous n'y rencontrerez personne. » « Eh bien, mais le voilà, précisément, l'avantage, c'est de n'y rencontrer ni Monsieur Dupuis, ni Monsieur Dantin, ni les Bouillons, ni... » Elle allait dire ni les Treuils. Elle s'arrêta, se rappelant la liaison de Morières. Et à ce propos, elle pensait, en descendant l'escalier, qu'il semblait négliger beaucoup la baronne et que cette liaison si connue serait vraisemblablement très courte. Le marquis la suivait. Tout à coup, il dit d'une voix assourdie, « Vous vous souvenez-vous de ce jour où j'ai descendu avec vous l'escalier de Rosette? Vous étiez tout autre dans ce temps-là. Il y a de ça combien? À peine un mois? Et je ne vous reconnais plus. Et il me semble que c'est si loin tout ça. » Quand ils furent assis l'un près de l'autre, dans le petit coupé très étroit, il resta sans parler, et Christiane sentit grandir le malaise qu'elle éprouvait depuis qu'ils étaient ensemble. Elle regardait voltiger, au courant d'air des glaces baissées, les fines moustaches blondes de Morières, ses moustaches si semblables à celles de Jacques. Lui la dévisageait de temps en temps d'un œil étrange qui la gênait, puis il détournait la tête affectant de s'intéresser vivement au mouvement de la rue. Elle-même, alors, le regardait furtivement, ne distinguant que son profil accentué et la ligne énergique et volontaire de la mâchoire et du menton. Elle voyait sa narine agitée de mouvements irréguliers. Elle devinait, sous le col très haut, le petit effort qu'il faisait de temps en temps, comme s'il eût avalé avec difficulté quelque chose. Le trajet de la rue de Lille au palais de l'industrie lui parut interminable. Elle était si contente d'arriver que lorsqu'il lui tendit la main pour la faire descendre, elle lui sauta presque dans les bras, et monta en courant le grand escalier très sale où traînaient des papiers et des bouts de crayon cassés roulant dans des boules de poussière. Des mites de gâteaux et toutes les petites malpropretés qu'apporte la foule. Tout de suite, elle aperçut Madame de Givray, assise sur la borne au milieu du salon carré avec Jacques et Monsieur de Givray. Monsieur d'Argonne ne laissa pas sa femme le temps de respirer. Il l'entraîna devant le chevalier aux fleurs et d'un air courroucé. « Où vois-tu du soleil dans cette horreur ? Moi, je vois du violet et du jaune. Et c'est ça qu'on appelle de la peinture. Et c'est ça que tu trouves un paquet de soleil. Ah, il est joli le soleil !» Il chercha une formule capable d'exprimer son mépris et, n'en trouvant pas, déclara simplement « C'est-à-dire que c'est à mettre au champ de Mars. » Christiane allait protester, mais elle vit Madame de Givray qui écoutait paisiblement avec son petit sourire narquois et aimable toutes ses inepties et elle pensa « Elle ne discute jamais, elle. J'ai remarqué ça. Quand on peut se tenir, ça vaut bien mieux. » Voyant que sa femme ne disait rien, M. d'Argonne prit à partie Morière, en qui il flairait un allié. « Allons, voyons, toi, qu'est-ce que tu en penses, franchement ?» Le marquis se retourna. Franchement, il trouvait cela affreux, mais il n'osait pas l'avouer carrément pour ne pas déplaire à Christiane. Il regarda à peine le tableau et déclara, par-dessus l'épaule, « C'est pas mal. Tu sais bien qu'à présent, sous prétexte de plein air, tous les peintres font bleu. » Madame d'Argonne eut un geste d'agacement, mais son malaise était passé. Devant ce beau grand garçon qui disait des lieux communs, elle n'éprouvait plus la moindre gêne. Quelle différence avec celui qui, tout à l'heure, dans la voiture, restait silencieux, la bouche close, sous ses moustaches voltigeantes, l'air absorbé et inquiet. Madame de Givray vit à la figure de Christiane son désappointement et lui dit en riant « Hein, notre pauvre promenade ?» Oui, c'était une affaire gâchée, on recommencerait, voilà tout. Il y avait du monde. Non pas le monde du vendredi précisément, mais on rencontrait de jolies femmes. Morière s'en étonna. C'est singulier. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici un jour pareil, toutes ces femmes-là ? Madame de Givray essaya de faire comprendre à son cousin que le vendredi n'était pas si élégant qu'il se l'imaginait. Qui est-ce qui entre ici, en somme, le vendredi ? Les gens qui peuvent payer 5 francs ou ceux qui entrent avec des cartes, c'est-à-dire les modèles, les exposants, et tous les gens qui, comptant qu'il faut payer le vernissage 10 francs et ensuite chaque vendredi 5 francs, prennent tout bêtement le jour du vernissage une carte de 30 francs, qui donne le droit d'entrer tous les jours à toute heure pendant la saison. C'est le système de Madame d'Argonne et de moi. « Comment ? » fit Jacques, stupéfait. « Vous dépensez 30 francs de salon ?» Madame de Givray rectifia. « 60, 30 ici et 30 au champ de Mars. »« Oh ! » dit M. d'Argonne, saisi. Et Morière appuya. « Oui, c'est de l'argent qui ne fait pas de profit. » Ils erraient maintenant à travers les salles, passant devant les tableaux avec un regard méprisant aux rares jolies choses rencontrées. Le beau paysage du Jugement de Paris, de Gervais, arracha M. de Morière un cri douloureux et fit pousser des imprécations à M. d'Argonne. Par exemple, tous deux admirent que Junon était très chic. Les jeunes filles au citron, de Gorguet, que M. et Mme de Givray et Christiane trouvaient charmantes, leur parurent anémiques, la verdure aussi. Mais ils discutèrent longtemps, en changeant alternativement de place, pour voir le tableau dans des jours différents, afin de savoir si le chaume du petit toit était rose parce que le peintre avait mis dessus un rayon de soleil couchant, ou parce qu'un vrai rayon de soleil le dorait à travers les carreaux du plafond. Au milieu de leur promenade, ils rencontrèrent Chagny. Morière s'écria « Comment ? Un jour qui n'est pas le vendredi ?» Et toute la discussion sur le vendredi recommença. La petite de Givray, qui avait été coupée, disait-elle, au milieu de l'histoire des cartes d'abonnement, reprit ses explications interrompues en s'adressant à son cousin. « Mais comprends donc, Il ne peut pas être chic, ton vendredi. Nous avons vu qui entre avec des cartes. Voyons qui entre en payant 5 francs. C'est la grande et la petite bourse, les grandes et les petites cocottes, et tous les gens qui peuvent dépenser quelque chose et qui entreraient aussi bien à 1 louis qu'à 5 francs. Il y a les rastas, et ceux-là sont légion. Oh oui, grogna Chani, qui avait au plus haut point l'horreur du rasta. Madame de Givray continua. Tandis qu'au contraire, beaucoup de gens comme il faut, dont les revenus varient de 50 à 100 000 francs, et qui ont des charges, châteaux, enfants, etc., ne paient pas volontiers 5 francs d'entrée. Si l'on est 4, ça fait 1 louis, et autrement, ça coûte 4 francs. Eh bien, tout cela vient aujourd'hui, ou un jour quelconque. Je viens quelquefois le vendredi, et c'est à mon avis le jour qui marque le plus mal. Monsieur d'Argonne dit, « Madame de Treuil est venue vendredi dernier, et elle m'a dit que c'était très chic. » Il citait toujours Madame de Treuil, mais moins, pourtant. Outre qu'il était pour l'instant trop amoureux de sa femme pour s'occuper librement d'une autre, il remarquait que Morière, depuis quelque temps, semblait rester en arrière. Or, le caprice de Morière, c'était aux yeux de Jacques, le grain de beauté de la baronne. Une exclamation d'étonnement correct les fit se retourner tous ensemble. C'était Morière plantée devant un plafond bizarre, coupé de larges taches bleues sillonnées de zigzags de bitume. « Oh » dit-il en riant, « et ça, est-ce assez laid ?» Mais ayant lu la signature, sa figure se fit subitement sérieuse et il ajouta d'un ton respectueux, « Ah non, c'est de Bona. » Rosette éclata de rire. Il la regarda, l'air fâché. « Je sais bien, ça ne te plaît pas à toi ?» Il se souvint, avant d'entreprendre de lui démontrer qu'elle était stupide, qu'à l'instant ça ne lui plaisait pas non plus à lui, et il reprit. « Oui, au premier abord, ça ne m'avait pas plu, mais en y revenant, on sent les qualités, la maestria, le... » Monsieur de Givray dit à sa femme. « Eh bien, vous n'essayez pas de convertir André à vos idées ?» Elle répondit. « Mais je ne tiens pas du tout à les faire partager mes idées, au contraire. Si je les voyais partager à d'autres, je les prendrais probablement en grippe. » Monsieur de Morière proposa. « Si nous allions faire un tour à la sculpture ?» Il ajouta, l'air convaincu, « C'est bien plus joli. » Intéressé, Christiane demanda, « Ah, vous aimez la sculpture ?» Et M. d'Argonne répondit en riant, « Moi aussi, parce qu'au moins on peut fumer. »« Tu l'as dit, » fit le marquis avec simplicité. Christiane le regarda en souriant. Elle pensait qu'après cette promenade où il avait laissé voir un tout petit coin de lui-même, elle pourrait être seule avec lui sans ressentir le trouble qu'elle ressentait 2 heures plus tôt.